France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'une asphyxie, le grand smog de Londres. Le 5 décembre 1952, un brouillard épais, chargé de fumée et de particules toxiques, s'abat sur la capitale anglaise. Il la recouvre pendant 5 jours. Les londoniens sont piégés et ils étouffent. En ce début décembre, l'Angleterre affronte depuis plusieurs jours une vague de froid particulièrement rude. Alors les londoniens brûlent des quantités inhabituelles de charbon pour chauffer leur maison et polluent massivement l'atmosphère, ajoutant dans le ciel de Londres les fumées noires de leurs cheminées à celles des usines et des pots d'échappement. Les dégâts sanitaires sont tels que ce que les Anglais parleront a posteriori de Great Smog, un mot formé des contractions de smoke, la fumée, et fog, le brouillard, qui agit comme un électrochoc sur les Anglais, pourtant habitués à respirer un air vicié. Et ils contraignent les pouvoirs publics à s'atteler à la question de la pollution de l'air. De cette catastrophe, née en 1956, 4 ans plus tard, le Clean Air Act, une loi fondatrice pour l'environnement et la qualité de l'air. Notre invité aujourd'hui est Charles-François Mathis, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire environnementale et britannique, directeur de la collection L'Environnement et une histoire aux éditions Champvallon. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Héloïse Rambert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Le matin du 5 décembre 1952, lorsque les Londoniens mettent leur nez à la fenêtre, un froid glacial les saisit. Cela fait des semaines qu'un hiver très rigoureux s'est installé sur le Royaume-Uni. Et depuis la veille, le thermomètre a encore baissé. Le ciel est assez dégagé, mais cela pourrait se gâter. Londres, vent léger et variable, brouillard généralisé en journée, persistant par endroits. Voici ce que disent les prévisions météo du jour. Bon, à Londres, en décembre comme à Paris, on n'attend pas spécialement le soleil, faut pas rêver. Alors les habitants vaquent à leurs occupations, bien emmitouflés, le grand shopping de Noël a commencé et les rues grouillent de monde. Mais d'heure en heure, un épais brouillard descend sur la ville. Bon, là encore, la routine, comme pour ce journaliste de la BBC. En Grande-Bretagne, le temps fait toujours parler de lui. Quand ce n'est pas le blizzard, c'est le brouillard. Peut-être que ça nous permet un bel été, peut-être. En attendant, la bête vous frappe de plein fouet. Oh mon Dieu! Vous voyez, je ne peux plus respirer. Si ce journaliste n'est pas étonné, il est quand même indisposé. Le fond de l'air est pollué. Ce brouillard, les Londoniens ne le connaissent que trop. C'est une vieille histoire anglaise. Il fait partie intégrante du paysage depuis le 19e siècle, la révolution industrielle et le développement tentaculaire d'usines qui tournent au charbon, en périphérie de la capitale. À partir de cette époque, les fumées qui s'échappent de leurs hautes cheminées rejoignent celles rejetées par les maisons des particuliers qui se chauffent aussi au charbon. En automne et en hiver, quand la météo anglaise, souvent peu clémente, s'en mêle, Londres se retrouve régulièrement plongée dans un mélange de pollution et de brume humide. Un médecin anglais du nom de Henry Antoine Desveux lui donne un nom en 1905, le smog. Le phénomène a marqué de nombreux artistes britanniques et étrangers. Un exemple parmi d'autres, le tableau Waterloo Bridge, effet de brouillard, peint par Claude Monet en 1903, montre un pont de Waterloo donc, qui semble flotter dans une brume bleutée nimbée d'une lumière sublime. Grand amoureux de Londres, le peintre français fait de la pollution atmosphérique un sujet impressionniste et romantique. Oui, parce que c'est bien la pollution qu'il peint. En arrière-plan du tableau, on distingue de hautes cheminées industrielles qui dégagent une fumée noire. L'œuvre du peintre anglais Turner reflète également les changements atmosphériques de son temps. Quant à l'écrivain Charles Dickens, il fait de la fameuse purée de pois non pas un simple élément d'atmosphère de ses romans, mais un personnage récurrent. Il la décrit particulièrement dans Bleak House, la maison d'âpre vent, en français, paru en 1853. Comme dans cet extrait de l'ouverture du livre, où l'auteur imagine des dinosaures sortir du brouillard. La fumée tombe des tuyaux de cheminée. Bruine molle et noire traversée de petites pelotes de suie qu'on prendrait pour des flocons de neige portant le deuil du soleil. partout du brouillard, sur les marais d'Essex et les hauteurs du Kent, en amont de la Tamise, où il s'étend sur les îlots et les prairies, en aval, où il se déploie au milieu des navires qui l'enveloppent et se souille au contact des ordures que déposent sur la rive les égouts d'une ville immense et fangeuse. Il est partout, dans la gorge des pensionnaires de Greenwich qui l'oppressent, dans la pipe que le patron irrité fume au fond de sa cabane. En cet après-midi du 5 décembre 1952, le smog qui s'abat sur Londres ne dépayserait pas Dickens. La Grande-Bretagne a pris le tournant du pétrole comme le reste du monde, mais l'industrie charbonnière reste un pilier de son économie. Le charbon est toujours une source d'énergie massivement utilisée par les usines du Grand Londres et par les citadins, d'autant que les pouvoirs publics les y encouragent. La guerre a pris fin il y a moins de 10 ans et le pays essaie toujours de redresser ses finances. Le gouvernement réserve ainsi le charbon de meilleure qualité, comme l'anthracite, à l'exportation pour rembourser ses dettes. Mais le tout jeune National Coal Board, l'office du charbon anglais, lève le rationnement sur le Notice Lac, un charbon de mauvaise qualité et donc très polluant. Eh bien, c'est ce carburant de second choix que les Londoniens stockent et utilisent copieusement. Les fumées de leurs millions de cheminées s'ajoutent à celles des usines et des pots d'échappement. Quelques mois auparavant, le dernier tram électrifié a été remplacé par un bus au diesel. Tous les jours, en ce début du mois de décembre, 1000 tonnes de fumée noire, 2000 tonnes de dioxyde de carbone, 140 tonnes d'acide chlorhydrique et 14 tonnes de composés fluorés sont rejetées dans l'atmosphère, auxquelles il faut ajouter 370 tonnes de dioxyde de soufre, converties en 800 tonnes d'acide sulfurique au contact de l'air humide. N'en jetez plus, c'est le cas de le dire. Lors d'un jour d'hiver ordinaire, les particules et vapeurs toxiques s'élèvent et refroidissent dans l'air avant d'être chassées par le vent. Bien. Mais ce jour-là, la météo est très particulière. Il n'y a pas de vent. Et la veille, un anticyclone s'est formé au-dessus de Londres. La pression au sol est donc très forte et piège la pollution à hauteur d'homme. Un brouillard poisseux, chargé de suie et de gouttelettes d'acide sulfurique, commence à recouvrir la ville comme un couvercle. Et plus la journée avance, plus il s'épaissit. Par endroits, le smog prend d'inquiétantes teintes jaunâtres. Une odeur acide et âcre prend à la gorge. Un docker, qui était au travail ce vendredi 5 décembre, se souvient en 1999 pour un documentaire de la BBC intitulé « Killer Fog ». Vers 3 heures, le fog a commencé à se densifier. Et vers 4 heures, notre grutier ne voyait plus rien. Sa visibilité était réduite à néant. On ne pouvait pas le voir, mais il nous disait qu'il pouvait voir les nuages. Il pouvait voir au-dessus de lui, mais il ne pouvait pas voir à travers le fog. Il y avait un épais manteau de brouillard entre le sol et lui, à une cinquantaine de pieds au-dessus de nous. On a dû arrêter le travail. Le lendemain, samedi 6 décembre 1952, aucune amélioration. Au contraire, les conditions météo sont toujours défavorables et les cheminées continuent de cracher d'épaisses fumées à un rythme affolant. Durant le week-end, le smog devient si dense que la visibilité, déjà réduite à quelques mètres, passe dans certains quartiers à moins de 50 cm. Par endroits, la nappe de brouillard atteint 200 mètres d'épaisseur. Il fait nuit en plein jour. Impossible de voir ses pieds ou ses mains au bout de ses bras. Les piétons se déplacent à tâtons et, avec un flegme tout britannique, signalent à des cyclistes qu'ils roulent sur le trottoir et qu'ils pourraient bien dégringoler dans une bouche de métro. À en croire la presse, des malheureux finissent même dans la Tamise et s'y noient. Oui, faute d'avoir vu qu'ils fonçaient droit vers la rive. La circulation devient rapidement chaotique. Les éclairages publics sont impuissants. Les policiers brandissent des torches enflammées pour diriger les véhicules. Et les accidents s'accumulent. Des automobilistes jettent l'éponge et abandonnent leur voiture n'importe où pour continuer leur chemin à pied. Du côté des transports publics, même bazar généralisé. Les avions sont cloués au sol, les trains et les bus ne roulent plus, les bateaux sont scotchés sur la Tamise, tout est à l'arrêt. La télévision rapporte cette paralysie, non sans une touche d'humour anglais. C'est le pire brouillard jamais enregistré depuis de nombreuses années. Les services de transport ont encore plus de mal à s'y retrouver que pendant les jours fériés. Une fois tombé, le brouillard s'installe pour de bon. ralentissant la circulation, réduisant la visibilité à un niveau dangereux. De quoi apprécier l'arrivée au travail et peut-être encore plus le retour à la maison. Ne reste que le métro, aux Londoniens, où ils font la queue par milliers pour entrer et pour sortir. Steve Deacon, chauffeur de bus pendant le grand smog, se souvient des conditions dans lesquelles il a tenté d'assurer son service. J'ai vu beaucoup de brouillard, mais celui-là était exceptionnel, celui de 1952. Parce que le brouillard et les saletés collaient à la fenêtre. Ils y adhéraient comme de la peinture. Vous ne pouviez généralement pas voir à travers. Alors si vous alliez faire un voyage, vous vous penchiez sur le côté quand vous partiez, pour voir si vous pouviez sortir. Et vous regardiez par la porte de l'autre côté. À l'intérieur, la situation n'est pas meilleure. La pollution pénètre dans les bâtiments victoriens. Une crasse épaisse recouvre les écrans de cinéma. Une représentation de l'opéra de la Traviata tourne court dès le premier acte, et pour cause... La purée de pois s'est lentement infiltrée dans l'auditorium. Les spectateurs situés à l'arrière ne peuvent plus voir la scène. L'atout incessant du public et des artistes est de toute façon insupportable. On ne compte plus les événements culturels ou sportifs annulés. Pas facile de jouer au foot sans voir la balle, et effectivement. Au lendemain de ce week-end suffocant, et alors qu'on n'aperçoit toujours pas un morceau de ciel, la presse anglaise se fait l'écho de ce chaos. Les journalistes rapportent également une augmentation des délits de fuite et des cambriolages perpétrés sous couvert du brouillard. Mais ils n'évoquent pas de problème de santé dû à l'air vicié. Seul, un événement animalier est mentionné. Le lundi 8 décembre, en effet, doit se tenir un salon d'agriculture dans le quartier de Earls Court. La veille, des éleveurs passent des heures à essayer de rejoindre la capitale. D'après le journal de BBC News du 9 décembre, lorsqu'ils arrivent enfin... De nombreuses bêtes respirent mal, et au moins une n'a pas survécu au voyage. Les éleveurs improvisent des masques à gaz à leurs animaux en imbibant des sacs de grains de whisky. Mais les effluves d'alcool ne peuvent rien contre celles du dioxyde soufre. 13 bovins succombent ainsi à ce qu'on appelle alors le smoke fever, la fièvre du smog. À l'époque, le docteur David Bates est jeune pneumologue à l'hôpital Barts de Londres. Durant ses jours noirs, on meurt aussi dans son service. Il veut alors mieux comprendre la cause exacte du décès de ses patients, comme il le raconte à la BBC, toujours en 1999. Lorsque l'un de nos patients est décédé, nous avons tout fait pour obtenir une autopsie. Je ne me souviens pas qu'elle a eu lieu. Et puis, environ une semaine plus tard, nous avons entendu parler du bétail. Je me souviens très bien être allé au Royal Veterinary College, et avoir examiné les coupes de poumons pour voir ce qui avait tué ces animaux. Il s'agissait d'une inflammation très aiguë des petites voies respiratoires. Nous avons supposé que c'était ce qui avait tué nos patients, qu'il s'agissait de la même chose et non d'une maladie bactérienne, et qu'un antibiotique n'aurait rien changé. Non, c'était une inflammation en réponse au brouillard qu'ils respiraient. Malgré tout, les Londoniens ne paniquent pas. C'est pas le genre de la maison. Et puis, ils en ont vu d'autres. Deux pires fléaux sont déjà tombés du ciel de Londres. Les 30 000 victimes des bombardements civils de la Seconde Guerre mondiale sont encore dans toutes les têtes. Cet énième épisode de smog est carabiné, c'est vrai. Mais bon, quoi, c'est l'affaire de deux jours, comme d'habitude, pense-t-il. Il va partir comme il est venu, ce brouillard, et on n'en parlera plus. Sauf que personne n'a encore compris à quel point celui-là est assassin. Noise. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui le grand smog de Londres. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Durant 5 jours, le brouillard ne desserre pas son étreinte sur la capitale anglaise. L'épisode de pollution est inédit par sa durée et son intensité. Et impossible de s'y soustraire. Les citadins cherchent à s'en protéger avec des moyens dérisoires. Ils tiennent des mouchoirs sous leur nez ou enroulent des écharpes autour de leur visage qui finissent noir de suie. Le nuage malsain s'infiltre partout, même dans leurs poumons. Les effets sanitaires, d'ailleurs, sont dévastateurs. Il faut dire que la santé de beaucoup d'Anglais est déjà fragile. Les privations de la guerre ont affaibli les organismes. Et le tabagisme, quasi généralisé parmi la population masculine, expose les hommes aux maladies pulmonaires. En 5 jours, plus de 100 000 personnes doivent être hospitalisées pour des pathologies cardio-respiratoires. Les premières victimes sont les plus de 65 ans et les bébés de moins d'un an. Mais les personnes plus jeunes, et a priori robustes, ne sont pas épargnées, elles non plus. Le docteur Horace Pyle était médecin urgentiste pendant le smog. Plus de 45 ans après les faits, il raconte l'agonie d'un marin de 21 ans qu'il a pris en charge. Je n'ai jamais rien vu de tel chez une personne de cet âge. Un jeune militaire dans un état d'effondrement complet, avec des difficultés respiratoires et, de toute évidence, un cœur défaillant. J'ai essayé les 2 hôpitaux locaux, mais ils étaient malheureusement débordés par les cas civils. Des problèmes de poitrine qui s'étaient aggravés à cause du brouillard, et ils pouvaient à peine faire face. Il fallait donc que ce soit Welbeck. Nous sommes arrivés complètement exaltés. Nous avions réussi contre toute attente. Et je me suis précipité à l'arrière pour découvrir qu'il venait de mourir au moment même où nous arrivions. À ce moment-là, il a rendu son dernier soupir. J'ai essayé de le réanimer, mais en vain. Les chauffeurs étaient en larmes. Et j'ai ressenti un grand sentiment de défaite. Les 7 et 8 décembre, au pic de la pollution, le service d'ambulance est durement mis à mal. Beaucoup de personnes souffrantes sont livrées elles-mêmes. Et comme dans un cauchemar, des malades toussant, les lèvres bleutées, arrivent à pied dans les hôpitaux débordés. Des hôpitaux, évidemment, aussi enfumés que le reste de la ville. Entre le 5 et le 9 décembre, on meurt 3 à 4 fois plus que les autres années à la même période. Les médecins voient bien qu'ils perdent beaucoup de patients. Mais ils ont juste l'impression de passer quelques journées difficiles. Sans possibilité de croiser leurs données avec des collègues d'autres établissements, ils ne comprennent pas tout de suite l'ampleur des dégâts, parce que beaucoup de gens décèdent seuls chez eux. Dès le deuxième jour, les morgues débordent. Et les premiers à vraiment prendre la mesure de l'hécatombe, ce sont les médecins légistes et les croque-morts. Ivor Leverton est directeur de pompes funèbres à l'époque. Nous avons reçu un appel de médecin légiste de Saint-Pancras. Il nous a dit, c'est la crise. Notre personnel est complètement débordé. J'ai besoin de gens non-stop. Deux de mes hommes ont dû y aller. On a passé les 3 jours suivants à parcourir les petites rues. Parfois, la police était appelée pour rentrer par effraction, parfois les voisins, les amis ou les parents s'inquiétaient. Mais dans presque tous les cas, il y avait une personne âgée. Bientôt, les cercueils et les fleurs viennent à manquer et il devient difficile de trouver où inhumer les corps. Le 9 décembre, un vent fort venu du sud-ouest se lève enfin et dissipe le brouillard mortel. Comme un mauvais rêve, Londres, pleine de suie, doit se débarbouiller. Mais ses habitants reprennent le cours de leur existence. Les jeunes femmes aux cheveux clairs ternis par la pollution prennent rendez-vous chez le coiffeur. Les maîtresses de maison s'activent pour faire disparaître les couches de crasse de leur intérieur. Tout le monde a une histoire de smog à raconter. Comme tout le monde avait une histoire liée au bombardement dans l'immédiate après-guerre. Mais avec le retour à la normalité arrive le temps des comptes, bien sûr. Autrement dit, celui des morts. Or, récolter les données sanitaires avant l'informatisation prend du temps. Après quelques semaines, les officiers d'état civil publient les chiffres de la surmortalité. Elle est confirmée. environ 4000 morts de plus au cours de ces 4 ou 5 jours de brouillard par rapport au nombre habituel pour cette période de l'année. Le rapport s'appuie principalement sur les données hospitalières. Donald Axon, médecin à l'hôpital Middlesex de Goodge Street et qui deviendra médecin en chef du Royaume-Uni en 83, le met tout de suite en doute et le répète. Des personnes mortes à domicile échappent certainement aux statistiques. Toujours est-il que ce chiffre de 4000 asphyxiés s'impose dans la presse. Alors pourquoi, comme dans un film catastrophe, le smog a-t-il emporté tant de vies? Pourquoi l'Angleterre est-elle si peu préparée en ce temps-là? Le gouvernement refuse d'abord de reconnaître qu'une pollution de l'air due à l'activité humaine ait pu être si meurtrière. Winston Churchill, le Premier ministre, se garde tout commentaire public. Et c'est donc Harold Macmillan, ministre du Logement et des Collectivités Locales, qui est chargé de répondre au nom du gouvernement. Et il le fait de manière plutôt désinvolte devant la Chambre des communes le 27 janvier 1953. On ne va tout de même pas, lui et ses collègues, les tenir pour responsables de la météo. Alors au Parlement, c'est le déni et l'inertie. Voici ce que Macmillan déclare devant les députés. Il s'agit d'un problème important. À ma connaissance, aucun comité interministériel n'a étudié les conditions météorologiques à l'origine du brouillard. Je crois qu'elles sont généralement bien comprises. Depuis 1945, 27 autorités locales ont demandé et obtenu des pouvoirs spéciaux de lutte contre la fumée. En outre, deux conseils de comté ont obtenu des pouvoirs à l'usage des conseils de district dans leur région. Je ne suis pas convaincu qu'une nouvelle législation soit nécessaire à l'heure actuelle. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais les honorables parlementaires doivent se rendre compte du nombre énorme de considérations économiques générales qui doivent être prises en compte et qu'il serait tout à fait insensé de négliger. Il serait stupide de ne pas en tenir compte. 11 mois après la catastrophe paraissent les résultats des premiers travaux des services sanitaires. Et ils confirment les craintes. Le chiffre des 4000 décès est très largement sous-estimé. En vérité, la mortalité est restée anormalement haute pendant les mois qui ont suivi le passage du brouillard de pollution. Jusqu'en mars 1953. Ce sont en fait plus de 12 000 personnes qui auraient succombé. Les comptes sont exacts, parce que ce chiffre sera confirmé par des études rétrospectives au XXIe siècle. Au même moment, une fake news commence à courir dans Londres, sans qu'il soit vraiment possible d'en identifier la provenance, comme beaucoup de fake news d'ailleurs. Fin 52, il y a eu également une épidémie de grippe, et ce serait surtout elle qui aurait tué en masse. Pourtant, rien ne permet d'attribuer ces morts en excès à un quelconque virus. Mais dans un rapport paru en 54, le ministre de la Santé reprend cet argumentaire et propose d'attribuer cette surmortalité à la maladie. C'est plus acceptable, c'est plus présentable. Le gouvernement fixe par ailleurs une date arbitraire, le 20 décembre 1952. Oui, et au-delà de cette date, les décès ne sont plus attribués à la pollution. Les semaines, les mois passant, les données s'accumulent. La revue médicale de Lancet publie notamment des articles sur les admissions aux urgences en décembre 52. L'année suivante, la presse commence à aborder frontalement le sujet. Le Manchester Guardian n'hésite pas à comparer ce qu'a traversé Londres au pire fléau de l'époque victorienne. Pire que le choléra de 1866, écrit-il. Les journaux commencent à utiliser régulièrement le mot « smog » au lieu de « fog ». Smog existe depuis 1905, mais il se diffuse avec la prise de conscience de sa dangerosité. Un député travailliste, Norman Dodds, ne cesse également de ramener avec véhémence la question de la pollution de l'air devant le Parlement. Si rien n'est fait, nous pourrions une fois encore entendre dans les rues de Londres le cri « Sortez vos morts », argue-t-il. En juillet 53, sous pression et sans doute effrayé par un nouveau smog meurtrier l'hiver suivant, Harold Macmillan est contraint d'agir cette fois. Et il forme officiellement le Comité sur la pollution de l'air, ou Comité BIV, du nom de son président Hugh BIV. But affiché, examiner la nature, les causes et les effets de la pollution atmosphérique, ainsi que l'efficacité des mesures préventives existantes. Autre décision, à l'approche de l'hiver, Alors qu'un épais brouillard sale s'installe dans de nombreuses régions de Grande-Bretagne, le NHS, le système de santé publique, met des masques anti-smog à disposition de la population. Les masques filtrants Specio Bunny sont les dernières armes mises au point pour lutter contre le smog qui, l'hiver dernier, a tué 4000 londoniens en une semaine. Les chiens aussi peuvent être protégés contre les fumées mortelles qui, chaque année, font peser un lourd fardeau sur les grandes villes britanniques. Le brouillard ordinaire est peu dangereux, mais le smog, mélange de fumée et de brouillard, est devenu l'un des plus grands tueurs des temps modernes. Chaque année, les chemins de fer, les usines et les habitations privées dégagent 2,5 millions de tonnes de fumée en Angleterre et au Pays de Galles. Ces masques à gaz à 6 pence, soi-disant filtrants, ne filtrent en fait quasiment rien. Les autorités politiques et médicales le savent bien. Mais à défaut de mesures plus protectrices, les médecins exhortent tout de même les londoniens à les porter. Et ils espèrent que les mailles du masque retiendront une partie de la suie et que l'humidité de la respiration, condensée par le masque, empêchera le passage de certains des produits chimiques. Les Anglais ne rechignent pas et les pharmaciens se retrouvent à court. En réponse à la commercialisation des masques, la British Medical Association publie une déclaration. Le masque n'est pas la solution. Le problème de l'effet des fumées sur la santé doit être traité à la source. Ce qui veut dire, tout simplement, que le pays a besoin d'un air pur. Le 18 novembre 1953, Harold Macmillan adresse un mémorandum confidentiel à son cabinet. Ces mots disent le cynisme avec lequel il envisage encore la question. Aujourd'hui, tout le monde attend du gouvernement qu'il résolve tous les problèmes. C'est un symptôme de l'État-providence. Pour une raison ou une autre, le smog a capté l'imagination de la presse et des gens. Il y a des choses à court terme que nous avons faites et que nous pouvons faire, comme les masques, les alertes. Il y a des solutions à plus long terme. Nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais nous pouvons donner l'impression d'être très occupés. C'est la moitié de la bataille de nos jours. Ce sont peut-être d'autres arguments que les arguments sanitaires qui finalement poussent les pouvoirs publics à agir. En 1954, le comité Beave rend son rapport qui résume l'essentiel des connaissances sur les effets de la pollution de l'air. Il indique clairement qu'elle n'a pas seulement coûté des vies, mais aussi beaucoup d'argent à l'économie britannique. Chaque année, elle coûte 150 millions de livres sterling de dommages aux textiles, aux métaux et aux bâtiments. Au moins 100 millions supplémentaires partent en fumée, si je puis dire, pour cause de maladies et de retards dans les transports. En tout cas, le vent du changement s'est levé et ne retombera plus. En 1956, le Clean Air Act est voté par le Parlement du Royaume-Uni. Il restera en vigueur jusqu'en 1993. Cette loi impose principalement des combustibles sans fumée, en particulier dans les zones fortement peuplées, afin de réduire notamment les émissions de dioxyde de soufre provenant des maisons individuelles. Mais les autorités donnent du temps aux industriels et aux particuliers pour prendre ce virage des combustibles sans fumée. Le pays ne retrouve pas un air pur du jour au lendemain, évidemment. Et d'autres smogs sévères touchent Londres, notamment en 1962. Mais plus jamais aucun de l'ampleur de celui que nous venons d'écrire. Parallèlement, le trafic automobile explose à Londres, comme ailleurs, générant une autre pollution atmosphérique aux particules fines. 4 millions de personnes par an en souffrent. Les particules fines, pire peut-être que le smog, parce que celles-là, on ne les voit pas, ce qui les rend d'autant plus dangereuses. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le grand smog de Londres. Notre invité Charles-François Matisse. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire environnementale et britannique. Et votre dernier livre, c'est votre dernier, hein, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, ça s'intitule La civilisation du charbon chez Vendémiaire. Alors, déjà, quand vous écoutez ce récit, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui vous penchez sur l'histoire du charbon depuis si longtemps? Oh, ça me rappelle un peu tout ce que j'ai vu de la pérennité en fait de ce charbon dans l'histoire britannique et de ses smogs et du poids que la civilisation fossile, puisque je parle de civilisation, a pu jouer, enfin a pu avoir dans la construction en fait d'une identité britannique, d'un mode de vie, d'un rapport au monde aussi. Le charbon est vraiment central dans la construction d'une façon de se construire, d'une identité en fait britannique qui s'impose dès le 19e siècle. Alors c'est le pays de la révolution industrielle, hein. La Grande-Bretagne, donc il y a une certaine logique, mais comment expliquer que les londoniens n'aient pas cédé à la panique pendant cet épisode que nous avons raconté, le smog de 1952? On peut pas tout mettre sur le compte du légendaire flingue anglais, qui existe, il n'est pas si légendaire que ça, mais enfin bon, il y a des limites aussi. Non, il existe effectivement, mais il n'explique pas tout. En fait, il y a deux raisons, je pense, qui transparaissent dans le récit qu'on a entendu. La première, c'est une forme de fatalisme. Oui, il y a des smogs à Londres, on le sait. C'est comme la pluie, quoi. Voilà, c'est ça, on s'y fait, ça fait partie du folklore. Ce qui est en partie vrai, au sens où dès le Moyen-Âge, même dès le XIVe siècle, on a des plaintes sur des fumées de charbon qui polluent, qui ennuient les gens, même s'il y a évidemment des intensités différentes dans les siècles qui vont suivre. Le smog en tant que tel, au sens de cette espèce de masse compacte de fumée qui se mêle à du brouillard, lui, il est vraiment plus spécifique au XIXe siècle et donc au début du XXe. Et il s'intensifie au XIXe siècle, particulièrement à la fin, dans le dernier tiers, à l'occasion de changements climatiques. Très, très souvent, en fait, on a des épisodes plus importants sur des périodes de 10, 20, 30 ans, selon des évolutions climatiques. Donc, on en a beaucoup à la fin du 19e siècle. On en a 8 entre 1920 et 1930, qui sont assez intenses. Donc, voilà, on sait que ça existe, ça fait partie de cette histoire. Mais l'autre raison, je crois, qui est un peu contradictoire, mais qui s'explique aussi, c'est une sorte d'oubli, en fait, dureté, en fait, de ces brouillards en 1952. Ça fait bien 10-15 ans qu'on n'en a pas eu. Ouais. Il y a eu la guerre, on a consommé peu de charbon, évidemment, pendant la guerre. Alors c'est vrai, quand on a connu la guerre et les bombardements, on peut relativiser les choses. Voilà, ça, tout à fait. C'est clair. C'est clair. En fait, les gens étaient beaucoup plus inquiets au début des années 50 de la capacité à se procurer du charbon que de la fumée qu'ils pouvaient produire en brûlant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que 4 jours avant le smog de 1952, on a, comme vous l'avez dit, interrompu le rationnement juste sur donc un charbon particulier, ce Nutty Slack, qui est un charbon de très très mauvaise qualité, c'est presque de la poudre qui produit donc beaucoup de fumée quand on le brûle, alors que pour les autres charbons, le rationnement était maintenu jusqu'en 58. Et à quoi ça ressemblait de vivre dans le smog pour un Anglais, au-delà de ce que vous venez de dire? Portaient des masques, non, pas forcément, ils n'en portaient que quand il y avait des crises. Oui, encore, on n'en a, à ma connaissance, pas porté avant, après 52, en fait. Ouais. C'est-à-dire, jusque-là, non, encore une fois, on s'y était d'une certaine façon habitué. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment une expérience qui touche tous les sens. Vous avez beaucoup évoqué dans le récit la dimension évidemment visuelle. On ne voit pas à 50 cm ou à 1 mètre. On doit interrompre un match de football à Wembley, par exemple. Enfin bref, il y a plein de choses qui se retrouvent. D'ailleurs, c'est amusant quand vous disiez que des cyclistes se retrouvaient dans la Tamise et se noyaient. On a exactement les mêmes témoignages dans la presse dans les années 1870. Ouais. Et j'ai toujours pas compris d'ailleurs comment les gens pouvaient tomber dans la Tamise. Pourtant, c'est vrai. Mais c'est clair, oui, c'est répété tellement souvent que ça doit bien être vrai, mais bon, ça m'étonne à chaque fois. Donc, il y a bien sûr la dimension visuelle, il y a aussi une dimension sonore, ça étouffe les bruits, on entend moins bien, on est comme dans du coton. Et puis surtout, quelque chose qu'on oublie, c'est que c'est cette matérialité, en fait, du brouillard. On parle d'un brouillard, enfin, d'un smog donc, qui est jaune ou brun, selon les descriptions, et qui correspond vraiment à une sorte de neige, de suie. On évoquait des flocons de suie qui tombaient. C'est dans des temps normaux, c'est-à-dire en plein hiver, sans particulièrement de brouillard, c'est 35 tonnes de suie par mois et par mile carré, donc à peu près 2,5 km² qui tombent sur Londres. Donc ça vous crée sur les mains, par exemple, une espèce d'huile. Les mains sont sales, sont huileuses, sont graisseuses. Vous le goûtez aussi, ça crée une espèce d'acidité dans la bouche. Donc c'est vraiment une expérience complète. Mais elle a une dimension esthétique. Vous évoquez dans le récit l'intérêt de Monet, par exemple, ou de Turner. On aurait pu citer aussi Whistler pour cette dimension esthétique et ces jeux de lumière dans le brouillard. Et c'est amusant de voir que le fameux aphorisme d'Oscar Wilde qui disait que ce n'est pas l'art qui imite la nature, mais la nature qui imite l'art, il l'a appliqué à l'occasion justement d'un brouillard. En 1891, il disait « Ce brouillard n'existe que parce que les impressionnistes nous ont montré qu'il existait, ils nous en ont montré la beauté. » Bah c'est très beau, comme d'habitude avec Wilde. Alors, il faut rappeler le rôle central que jouaient les foyers Donc les maisons, hein, ouvertes au charbon. À quel point les Anglais y étaient attachés, et même si ça enfumait complètement leurs intérieurs, il n'y avait vraiment aucune prise de conscience. Enfin, on se chauffait, mais parce qu'on ne voulait pas avoir froid, c'est normal dans une maison. On n'allait pas plus loin que ça. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'on était très conscients que, bien sûr, c'était ces feux de cheminée, donc ces feux de charbon dans des cheminées ouvertes, qui donc consumaient mal le charbon, et qui rejetaient donc beaucoup de fumée dans l'atmosphère, qui polluait, on le savait. Mais il y avait un tel attachement culturel à ce feu de cheminée ouvert, et qui est quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'on a des témoignages pendant mais plus d'un siècle, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, et même après 1952, au moment du Cleaner Act, on voit encore des gens qui disent « mais on ne peut pas nous priver de ce feu de cheminée, note particulièrement dans le living room, dans le salon. Mmh. On pouvait se chauffer autrement dans les autres pièces, mais le foyer, le home sweet home, ne pouvait se concevoir qu'avec ça. Donc cet attachement était tellement viscéral qu'il prévalait sur le reste, en fait. C'est qu'on s'en accommodait, même si effectivement, pour les femmes au foyer, c'était un travail considérable que d'entretenir ces feux, puis nettoyer derrière la poussière. Mais voilà, il y avait des rêveries au coin du feu. On savait depuis les années 1830 que le charbon était issu de végétaux en décomposition. Donc on revoyait ces forêts antédiluviennes qui se consumaient dans les foyers. Oui, il y a un côté romantique. Voilà, c'était vraiment quelque chose. Et c'est fou de le constater sur une aussi longue période et à travers toutes les classes sociales. Et ça va loin, parce que je crois, hein, ça paraît fou, qu'on a prêté des vertus thérapeutiques au feu de charbon. Oui, alors avec plus ou moins bonne foi. Oui, pour le moins quand même. Voilà. Alors, beaucoup étaient persuadés que l'avantage du feu de cheminée, et notamment de charbon, donc dans des cheminées ouvertes, provoquait donc des courants d'air. C'est vrai qu'on brûlait devant et on était glacé derrière par le courant d'air, mais ça avait l'avantage de renouveler l'air dans les pièces. Et comme on était encore quand même dans un imaginaire pour lequel c'était l'air stagnant, plein de possiblement de miasmes qui étaient responsables des maladies, un air constamment renouvelé dans la pièce, qui devait quand même pas rendre les choses très agréables, était beaucoup plus sain que, par exemple, un chauffage dans un poêle, enfin avec un poêle qui crée une chaleur qu'on trouvait un peu sèche et malsaine. Donc ça, c'était quand même plutôt de bonne foi. On pensait qu'il y avait ce renouvellement. Et puis, il y a, je pense, quand même dans les années, notamment dans l'entre-deux-guerres, certains qui, avec une certaine mauvaise foi du côté de l'industrie charbonnière et des distributeurs de charbon, qui défendaient un découplage en fait du charbon et de la fumée pour dire dans des campagnes de publicité que le charbon était bon pour la santé. Et ils ont obtenu en fait le soutien d'une femme scientifique qui s'appelle Mary Stopes, qui était vraiment une très grande scientifique et une des premières femmes à avoir obtenu une thèse de Imperial College, je crois, qui a découvert les composants du charbon, qui fait encore autorité aujourd'hui. Enfin, mais qui dans les années 1930, c'est à coquiner avec un comité qui défendait l'usage du charbon et qui prétendait que le charbon, enfin la chaleur de charbon avait une matérialité. Et c'est vrai que ça en opposait beaucoup, cette matérialité du feu, à l'anonymat et la neutralité d'une chaleur électrique, par exemple. Et elle disait que, du coup, ces feux émettaient des rayons qu'elle appelait biovitriques. Elle a inventé le mot en disant « on ne sait pas encore ce que c'est, mais on le démontrera un jour ». Et elle en voulait pour preuve un bain de charbon, dit-elle, qu'elle a pris un jour en 1926, où elle s'est mise nue devant un feu de charbon pendant une demi-heure, alors qu'elle était très malade et qu'on n'arrivait pas à la guérir. Et elle a guéri. C'est donc bien la preuve de cette matérialité, de cette dimension sanitaire en fait du feu de charbon. Ouais. France Inter. Affaires sensibles. Alors en décembre 52 à Londres, il fallait pas walk in alone, il fallait pas marcher seul, c'était dangereux. Alors on s'aperçoit quand même qu'après le Clean Air Act et donc cette pollution de 1952, la situation ne s'est pas tout de suite améliorée. On va écouter pour preuve une archive qui date de 10 ans plus tard, donc en 1962. En Angleterre et d'ailleurs un peu partout en Europe, le brouillard règne en maître avec tous ses inconvénients. Bronchite, carambolage sur les routes, les ports bloqués et les aérodromes. Mais à Londres, le brouillard, c'est le fameux smog, le brouillard qui tue. Et il y a déjà 66 morts. Écoutez notre correspondant. Certes, on rencontre encore beaucoup de Londoniens nantis de masques de gaz, leur cachant le nez et la bouche, mais ils sont moins nombreux qu'hier soir, alors que le terrible mélange de brume et de fumée industrielle réduisait la visibilité à quelques mètres. Les hôpitaux ont reçu instruction du ministère de la Santé de tenir prêt dans la région londonienne quelques 400 lits supplémentaires. Car ce brouillard est un tueur qui a déjà fait depuis lundi 66 victimes, dont 6 la nuit dernière, et il pourrait en faire encore bien d'autres. Charles-François Matisse, Pourquoi les autres fournisseurs d'énergie, je pense au gaz, l'électricité, le pétrole, sont restés les deux pieds dans le même sabot? Enfin, je veux dire, ils n'ont pas su s'imposer face au charbon. Oui, ils ont essayé, notamment dans l'entre-deux-guerres, il y a eu des combats féroces, en fait, économiques. Et ça, je pense, ils se sont bougés quand même. Ah oui, bon. Oui, vraiment. Et c'est important, je pense, d'imaginer que de tels changements, on se dit toujours, voilà, les transitions énergétiques, ou en tout cas, les changements de système se font assez naturellement. Non, non, ils sont le produit de compétitions féroces, économiques, politiques ou autres. Donc là, en l'occurrence, ils ont essayé. Et ils ont bien entendu attaqué directement le charbon sur cette dimension sanitaire, sur sa saleté, sur la fumée. Et alors, le charbon a su en partie résister, pas complètement, notamment dans les cuisines, par exemple, le gaz a fini par s'imposer pour l'éclairage, évidemment, l'électricité. Mais encore une fois, il y avait cette résistance culturelle du charbon qui s'est maintenue. Et les fournisseurs, distributeurs de charbon et producteurs de charbon ont combattu férocement, notamment lorsqu'ils ont constaté que l'industrie du gaz, par exemple, donnait des primes à des promoteurs immobiliers pour qu'ils construisent des maisons où on pouvait installer le gaz, mais où il n'y avait pas de cheminée. Et donc, on n'aurait pas pu utiliser le charbon. Et alors là, évidemment, ils sont allés voir le gouvernement. C'est un peu brutal, mais bon. C'est un peu brutal, voilà. Mais ils ont argué qu'il fallait, dans le pays du libéralisme, laisser aux consommateurs le choix, la liberté de choisir le type d'énergie qu'ils pouvaient utiliser. Donc, il y a bien eu des combats. D'accord. Il y a eu d'autres épisodes de smog après, alors pour le coup, 1962, parce qu'on vient d'en entendre un grave, il y en a eu d'autres. Il y en a eu quelques-uns, oui, en 56, 57, 59. Il y en a, oui, on était vraiment dans une période visiblement assez propice à ça, puis donc en 62, qui je crois est l'un des derniers. Mais ils n'ont pas du tout eu la gravité de celui de 1952, probablement parce que, comme le suggérait d'ailleurs l'archive qu'on a entendue, on était un peu mieux préparés, les gens restaient chez eux, les hôpitaux étaient prêts à les accueillir. Donc, il y a eu quand même une certaine adaptation, disons. Il y a aujourd'hui, parce que quand on parle de villes polluées, on a beaucoup parlé d'Athènes, il y a quelques temps, à tort ou à raison, je ne sais pas. Et Londres est-elle une ville plus polluée qu'une autre capitale en Europe? Non, maintenant plus. Alors, elle est aussi polluée, je dirais, par l'industrie par les automobiles, par exemple. Bien sûr, mais pas par le charbon. Mais pas par le charbon, non. D'ailleurs, quelle est la politique énergétique de la Grande-Bretagne, qui, je le rappelle, est une puissance nucléaire au même titre que la France, et contrairement à l'Italie et l'Allemagne qui se sont débarrassés de l'atome, enfin, qui ont abandonné. L'atome. Donc quand on abandonne l'atome, on se replie souvent sur le charbon. Qu'en est-il qu'en Angleterre, on n'a pas besoin, puisqu'il y a le nucléaire. Peut-être que mon raisonnement est un peu simpliste. Non, alors, on a longtemps utilisé le charbon, même après la diminution de sa consommation domestique, je veux dire dans les foyers, pour les centrales électriques, qui étaient des centrales thermiques. Mais de plus en plus, étonnamment, c'était du charbon importé, en fait, et pas du charbon produit sur place. On projette de rouvrir une nouvelle mine à ciel ouvert, je crois, dans quelques années, alors que la dernière mine de charbon a fermé en 2015. Alors, l'aveuglement des pouvoirs publics en 52 a-t-il des résonances aujourd'hui? Parce que nous en sommes là, il nous faut essayer de changer les habitudes des consommateurs pour lutter contre les émissions polluantes. Et là, en tout cas en Angleterre, on se télescope avec ce que vous appelez, ou ce qui existait, la civilisation du charbon. Le mot n'est pas anodin, hein. Civilisation du charbon. Oui, non, c'est pas un terme anodin. Il s'agissait pour moi de montrer, alors pour l'Angleterre spécifiquement, qu'on était vraiment dans un lieu où le charbon influait sur les façons de vivre et sur les façons de représenter le monde, en fait. Mais au-delà de cet exemple donc très local, très spécifique à l'Angleterre, je pense qu'effectivement, il y a des enseignements qu'on peut tirer pour aujourd'hui. La première chose, et on l'a vu, je crois, dans tout le récit, c'est la difficulté à arbitrer entre développement industriel et rôle des énergies fossiles et protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans un modèle non pas de suppression de la pollution à l'origine, mais de gestion des seuils de toxicité. Et ce qui, évidemment, est quand même un petit peu compliqué et qui explique peut-être aussi le relatif désarroi des hommes politiques en disant « Mais enfin, vous évoquiez le ministre de la Santé dans le gouvernement de Churchill, pressé de questions au Parlement, il disait « Mais enfin, on a l'impression que les brouillards ont commencé avec moi. » Sous-entendu, bon ben voilà, c'est un fait dont il faut faire usage et qu'il faut accepter. Le deuxième enseignement, je pense, c'est le rôle des consommateurs domestiques, c'est-à-dire se rendre compte que ces choix énergétiques, encore une fois, il résulte de plein d'acteurs, pas seulement d'une décision étatique, pas seulement d'entreprises énergétiques ou autres, mais bien de la place de tout un chacun. Et dès lors, ça nécessite de prendre en compte les imaginaires, et les routines, les habitudes. C'est-à-dire qu'on ne change pas comme ça, du jour au lendemain, de pratiques énergétiques. Et voilà. Et c'est l'un des problèmes du Clean Air Act. Vous évoquiez ces brouillards qui ont persisté encore en 57, 59, etc. Mais il s'explique aussi tout simplement par le fait qu'il a fallu du temps pour convaincre les consommateurs domestiques, comme nous aujourd'hui, pour isoler nos intérieurs et utiliser moins d'énergie pour chauffer nos maisons. Il a fallu apprendre à changer des habitudes, à installer de nouveaux appareils, ce qui coûtait cher, etc. Et justement, en France, quelle est la politique vis-à-vis du charbon ? Vous voulez dire aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, aujourd'hui. J'ai pas d'informations spécifiques. Je pense qu'elle est celle d'éliminer autant que possible. On a fermé la dernière centrale thermique, je crois, il y a quelques années. Donc on essaye aussi de l'éliminer. Mais justement, là aussi, il y a une responsabilité du politique, je crois, dont témoigne cet épisode de 52. C'est-à-dire qu'il y a quand même une lâcheté des hommes politiques anglais pendant 80 ans. On savait dans les années 1870 que le charbon tuait. Et on dit que c'est la grippe. Que le soir. En fait, on savait très bien depuis 80 ans que les smogs tuaient. Et on n'a rien fait parce que, il fallait changer des habitudes de consommateurs, ce qui était difficile, ce qui demandait évidemment des politiques impopulaires. Mmh. Et on s'est défaussé. Et aujourd'hui, on est quand même face au même constat. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les gens de changer. Et pour ça, il faut leur proposer un récit politique qui, on le voit aussi avec la question agricole, qui puisse les amener à se projeter vers l'avenir, mais si possible, un avenir qui soit un peu fédérateur. Et qui puissent proposer justement des solutions. Alors, dernière question, quelle est, rapidement, il nous reste un peu moins d'une minute, la cartographie du charbon aujourd'hui dans le monde, qui sont les pays qui l'utilisent encore ? La Chine, beaucoup. Ouais. L'Inde, énormément aussi. Les États-Unis. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est les trois premiers qui me viennent. Et la Chine, aujourd'hui, est responsable de la moitié, je crois, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, elle progresse. Enfin, elle essaye de s'en débarrasser, notamment par des programmes nucléaires. Mais il y a encore un poids énorme. Et en Europe, il y a le contre-exemple allemand, je crois. Oui. Alors, c'est sûr qu'en ayant abandonné le nucléaire, justement, les Allemands se sont beaucoup tournés vers le charbon, mais ils ont aussi énormément avancé sur les énergies renouvelables. Oui, donc en même temps par un jeu de tectonique comme ça. C'est ça, oui, ils sont plus avancés que nous sur l'usage des énergies renouvelables. Bien. La civilisation du charbon. Charles-François Mathis, chez Vendémiaire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le grand smog de Londres en 1952, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.